bientôt maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Maître Gims dans Planet Rap. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Maître Gims. C'est maintenant sur Skyrock. Allez, c'est parti, coup d'envoi pour cet album, pour cette semaine tant attendue. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Comment ça va, Gims? Ça va et toi? Eh ben, je suis content de te recevoir parce que c'est un sacré album celui-ci. Merci. Un double en plus. Un double. C'est-à-dire que ceux qui aiment Gims vont adorer deux fois plus. Et ceux qui n'aiment pas vont deux fois plus. Forcément. Bon, ça va, tu te sens comment? Très bien. À combien? 4 jours de la sortie, hein, maintenant, c'est vendredi. C'est vendredi, ça y est. Vendredi, puisque désormais les sorties sont le vendredi. Ouais, désormais depuis. J'inaugure, je crois même. Presque, non? C'est pas moi? Je crois pas que ce soit toi. Je suis désolé, mais je crois pas que ce soit toi. Mais ça fonctionne, les gens se rappellent que c'est vendredi. Et voilà, c'est le vendredi maintenant. Donc désormais les sorties, bon, la précommande est aussi. Et dès maintenant, on peut y aller, hein. Ouais. Si on veut aller acheter les yeux fermés, on peut y aller. C'est du très bon Gims avec une pilule bleue, une pilule rouge. Ouais. On va en reparler dans un instant, évidemment. Il s'appelle Mon cœur avait raison. Exactement. On va pouvoir le découvrir, on va saluer Dawala qui est là aussi, hein, le multimillionnaire de Paris 19. Hein. Ça va, en français pas. J'ai oublié le président. Ah, j'ai oublié des problèmes. Ça a été coupé au mix. Ah merde, c'est ça. Je multimillionnaire, CFA derrière, il y a un bac, il y a une petite ambiance où je dis CFA. En français pas. Ah, c'est en français CFA, d'accord. Ça fait à peine 25 000 euros. Oui, c'est ça, j'ai demandé le cours au CFA actuellement. Le cours en CFA, il est très bas. Il est très très bas. On est à 13 000, 15 000 euros. Bon, bah bienvenue à vous en tout cas pour ce Planet Rap. Et avant d'attaquer Planet Rap, on va se plonger tout de suite dans l'album avec un medley qu'on a prévu, qu'on a fait, qu'on a réalisé pour toi. Okay. Un medley de Mon cœur avait raison. Ok. Allez, c'est parti. Planet Rap, Maître Gims sur Skyrock. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Planet Rap. Piqué collé gramme, maintenant c'est Instagram. Et je bibi quelques grammes, Harry, je lance les bagues. À la Victoria Beckham, ouais, y'a du business down. Les petites allumants bécanes et rien qui pleut des vases. On veut me guider pour le pas, mais oui, j'ai pris du gras depuis les castres. Planet Rap. A, B, C, D, c'est pas la mais salut. Pendant que tes frères s'allument, la terre-mère demeure à salut. L'ennemi sur ma route, tu sais qu'être sur ma roue. L'avenir, c'est par où, celle-ci se barre, on se barre. Planet Rap. Ils ont baisé le monde et ensuite l'ont trouvé. Les preuves qu'on veut sont introuvables comme les fiches de paye d'une prostituée. Je te souhaite une longue vie. Longue vie. À ceux qui disparaissent dans l'ombre sans nous laisser le temps de leur dire goodbye. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, Planet Rap. Charmir, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Planète Rap. J'ai roulé sans rétro. Sur mon torse, je sens que se resserre l'écho. Qui peut me prouver que l'amour est un repos? Tous mes SOS sont restés sourds. Maître Gims dans Planet Rap. Comment vous expliquer tous mes choix? Toutes les décisions que j'ai prises. Être à la hauteur de mes valeurs. Mais trop souvent, je les crois. Planet Rap. Planet Rap. soir, 20h-21h. Planet Rap, Maître Gims sur Skyrock. Voilà, on s'est plongé dans Mon Cœur avait raison. On va se plonger toute la semaine dans cet album, un double album pour Maître Gims à l'instant. Ouais. Rappelle-nous d'ailleurs l'idée, cette idée du concept pilule bleue, pilule rouge. Donc il y a un côté, comment dire, un peu plus rappé, comme tu as pu le faire aussi à tes débuts avec, ouais, avec la section d'assaut. Et un côté plus. Ce qu'on appelle pop urbaine. Pop urbaine, ouais, exactement. J'avais envie de rapper dans cet album-là. En même temps, je voulais pas que ça soit un album de 26 titres ou de, tu vois, avec plein de titres dans un seul CD. Donc je me suis dit pourquoi pas diviser le CD en deux. Et de là, ça a amené le concept. Et je trouve que c'est un bon concept. Ça a été long, le boulot autour de cet album, ou pas pour toi, Gims? L'écriture, en fait, j'écris depuis pas mal de temps. En fait, je composais dans mon coin un peu depuis pas mal de temps. Mais les séances studio, c'est passé assez rapidement. Alors, faut quand même rappeler que tu sors aussi de Subliminal, hein, qui est un énorme carton. Ouais. T'as été surpris d'ailleurs par Subliminal? Oui, bien sûr, surpris. C'est surpris, fou. Surpris, ouais, c'est fou. Hein. Moi, c'était ma plus grosse crainte, c'est sortir cet album après le succès de la section d'assaut. C'était pas garanti, mais je m'imaginais que bon, peut-être que les gens n'avaient pas forcément envie de me voir seul, qu'ils aimaient bien me voir en groupe, etc. Tu te fais un tas de trucs comme ça dans ta tête. Mais au final, j'ai vraiment été surpris. Je vais me tourner vers Dawala. Combien de ventes pour Subliminal à l'heure d'aujourd'hui, Dawala, toi qui compte tous les jours, qui est là, qui compte. Il a le million, tu vois, il a dépassé le million. Comme il a dit, Gims, voilà, quand t'es en groupe, les gens ils ont envie que tu chantes tout seul. Et après, quand tu tombes tout seul, les gens ils ont envie que tu sois en groupe. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un gros album qu'il a préparé depuis longtemps. Mmh. Le premier, c'est un succès. Celui-là, voilà, Gims, on sait qu'il est tout terrain. Il a fait pratiquement son album tout seul, dans sa tête. Il a été aidé beaucoup aussi par les membres de la section d'assaut, que ce soit Lefa ou Maska ou Adama. Donc on sait que ça va être un album très lourd, la preuve. Il en a fait un double album, donc voilà, c'est qu'il avait du potentiel à donner, et l'album il est très lourd, et rendez-vous vendredi. Vendredi, c'est dans les bacs. Ça y est, vendredi dans les bacs, sorti de l'album de Gims. Sorti officiel. Et juste pour conclure sur Subliminal, je pense que t'as quand même un regret, c'est qu'il n'y a pas eu de grosse tournée sur Subliminal. Ouais, il n'y a pas eu de grosse tournée. Il y en aura une sur celui-ci qui regroupera d'ailleurs aussi. Qui regroupera Subliminal, exactement. Mais c'était quoi? C'était parce que c'était épuisant. C'était physiquement, vraiment, je pense que j'aurais pu peut-être m'évanouir sur scène. Je sais pas, t'aurais pas pu tenir, ouais, partir pour une centaine de dates. Trop dur. Bon, là, en tout cas, il y en a une. Hein. Elle commence au mois de novembre. Elle commence le 12 novembre. 12 novembre. Que des grosses salles. Que des grosses salles. Du monde et tout. Et dépêchez-vous de prendre les places pour Gims à Sarache. Il y a un Bercy aussi qui est. Le 14 décembre, Bercy. Venez nombreux, ça va être lourd. Qui sera là, qui sera en feu. Bercy, on aura l'occasion d'en parler cette semaine. Nouveau Bercy, ouais. Et je peux même vous dire qu'on fera deux semaines avec Gims, puisque. Pilule bleue, pilule rouge, donc on est obligé de faire deux semaines. Hein. T'as pas vu en bleu, c'est pas pareil. Je vois ça. Donc c'est une semaine plutôt tendance pilule bleue cette semaine, Gims. C'est bleu, ouais, on est dans la bleue. Donc la semaine bleue cette semaine, et puis dans 15 jours ce sera la rouge. Entre les deux, il y aura Ice MC qui viendra nous présenter son projet. On débute avec le morceau qui arrive aujourd'hui. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Ça, c'est encore un nouvel extrait de la pilule bleue. Le dernier extrait avant la sortie de l'album, quoi, vraiment. C'est un morceau qui s'appelle Brisé. Tu veux dire un mot sur celui-ci? Bah, le morceau Brisé, c'est le premier son que j'ai fait quand j'ai commencé cet album. Ah, c'est le tout premier? C'est le tout premier son que j'ai fait. Je l'ai fait, je faisais le yaourt encore, je me souviens, dans la voiture. J'envoie ça à Renaud et on commence à le travailler comme ça. Renaud, il bosse tout le temps avec toi. Hein. Toujours, ouais, depuis des années. Ensemble, depuis des années, ça marche bien, on s'entend bien. Donc ouais, c'est un binôme qui marche fort. Et beaucoup avec Danny Sainté dans cet album. Donc c'est un trio. J'avais déjà bossé avec lui dans le précédent, beaucoup avec Danny Sainté. Bon, on parlera de toute façon cette semaine de tous les gens qui ont bossé avec toi. Et on débute ce Planet Rap spécial Maître Gims. C'est l'événement toute la semaine sur Skyrock, le morceau Brisé. J'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres quand tu mens. Tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Encore et encore facilement. J'essaie. Sûrement la face, tu m'as poignardé dans. tu d'être entré chez moi. T'as vu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes, pas les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Le 28 août dans les bacs. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Aveuglé t'es ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Mon cœur avait raison. Il avait bel et bien raison. Parce que le cerveau. Il avait bel et bien raison. Le 28 août dans les bacs. Skyrock. Mon cœur avait raison, le 28 août, c'est vendredi dans les bacs. Si, si. Le double album de Gims attendu avec une pilule bleue, une pilule rouge. Ça, c'est la partie pilule bleue qu'on va écouter et découvrir un petit peu plus cette semaine entre 20 ouais. et 21. Avant d'attaquer aussi la pilule un peu plus rappée, un peu plus énervée. Pilule bleue, pilule rouge. Ouais. C'est quoi? C'est aussi. Pilule bleue, pilule rouge. C'est Matrix c'est aussi. C'est repris de Matrix. C'est Matrix. Ouais, c'est un moment. Moi, c'est mon film préféré. Mmh. Ce film-là, il est dingue. Mais quand. Ouais, mais le à ce moment-là, pilules, tout c'est qu'il y a un côté, en fait. C'est soit tu reviens dans la réalité, soit tu reviens dans la réalité, soit tu restes dans une forme de réalité dans une encore. Forme de réalité. Voilà. C'est une façon de dire qu'on peut dire les choses de deux façons différentes, mm-hmm. tu vois. Et dans la pilule rouge, je pense qu'on est voilà, on est dans du peura, on est dans un truc un peu plus cru, tu vois. Et tout simplement. Donc toi, si tu devais choisir une pilule bleue, une pilule rouge, ce serait quoi alors d'aujourd'hui? Tiens par exemple, moi ça peut peut-être changer ah, tous les jours. C'est difficile. Je ferais si compiler, si ça fait violet non après. Si la pilule violette. Te filer un petit cacheton, ce serait quoi? Pilule rouge ou pilule bleue? Franchement, je ne peux pas choisir. J'aurais fait les deux. Moi, je suis. J'aime beaucoup chanter. J'aime beaucoup rapper. Tu prends du plaisir plus sur quoi? Sur je suppose que là, s'il y a. Tu les prends deux, plus de plaisir en chantant parce que tu peux aller beaucoup plus loin dans des mélodies. Tu sais, les mélodies, ça percute, ça touche les gens, tu vois. Ça peut traverser l'océan, etc. Un texte de rap, tu restes, tu touches des gens qui parlent français, quoi. Mais avec de la mélodie, même si c'est en français, quand tu y ajoutes de la mélodie, tu peux toucher n'importe quel pays. Et de faire un côté pilule rouge, justement, c'était aussi c'est un challenge pour toi aussi, Gims, de dire bah, je suis toujours là, je sais toujours rapper. Bien sûr. Parce que forcément, les gens qui t'ont c'est connu, une envie, qui un t'ont challenge. Connu à une époque, alors après ont du mal à voir souvent les artistes qui pas qui changent, mais qui évoluent dans leur carrière. Ils ouais, font pas toujours la même chose. Bien sûr. Bah, donc c'était toi, quoi? C'était gens, aussi de dire voilà, regardez. Les gens diront toujours oui, il a fait ça, son succès c'est dû à machin, il est passé en radio, il est beaucoup joué sur telle ou telle radio, il chante, c'est pas 100% rap, machin. Ça, c'est malheureusement ça t'a touché, la seule toi, c'est façon. C'est des trucs qui t'ont touché ou pas? C'est pas que ça touche, tu vois, mais tu l'entends, quoi. Tu l'entends et après ces 11 titres-là de la pilule rouge, j'ai pas fait ça pour les gens. J'ai eu envie de le faire, tu vois. J'ai eu une grosse bouffée d'inspi, machin. Il y avait tellement de sons, je pouvais pas mettre ça dans un seul CD, en fait. Et de là, m'est venu ce concept. Donc pilule bleue, pilule rouge, le nom de l'album aussi c'est Mon cœur avait raison. Ouais. On pourra en parler aussi cette semaine entre 20 et 21. Et puis la sortie le 28 août avec je crois une séance à la Wattie Boutique de dédicace hein, pour les gens qui veulent la te voir en vrai. Grosse dédicace, voilà. Séance dédicace à la Wattie Boutique. Ouais. Faudra venir tout, hein, parce qu'il y aura du monde. Ouais, faut venir tout. Ouais. Donc c'est à partir de 16h, on m'a dit pour l'instant. À partir de 16h, ouais. Mais on va être là. On va essayer de prendre des photos avec tout le monde et faire le truc bien. Et Wattie Boutique c'est à Paris, donc pour tous les gens qui seront du côté de Paris ce 28 août, rue de la Ferronnerie. Oui, c'est ça, toujours, on est 29. Toujours à la même place, il y a des travaux. Mais 29 hein? 29 28 ou 29 29, 29. Voilà, après ça va enchaîner encore avec le Planet Rap après à la suite. Donc voilà, c'est une grosse journée ce vendredi-là. Et comme je dis, l'album est très très très lourd. C'est un deux albums, il faut aller vite. Bon, en tout cas, ça fait plaisir aussi de vous voir tous les deux, Dawala et toi, Gims, ensemble, parce qu'il y a aussi plein de choses qu'on a entendues, que toi, t'allais quitter le label, etc., machin. Ouais. Donc, d'être là et tous les deux habillés en bleu, j'ai envie de dire. C'est un lien de sang. Ça veut dire que, voilà, tu vois, dans une famille ou même dans chaque entreprise, il y a toujours des hauts, des bas. Voilà, le plus important, c'est de rester debout. Et là, on est encore là, donc c'est le plus important. Voilà, c'est en tout cas l'image qu'on qu'on va garder. On est tous derrière le projet, c'est un gros projet. Il a des grosses qualités, Gims, et il est encore avec le label Watibé. Donc tout le Watibé aujourd'hui le remercie pour tout ce qu'il a fait déjà dans le passé et dans le futur. Et voilà. Dans le futur, avec aussi une grosse tournée au mois de novembre. Tiens, Gims, je vais te confier, j'ai décidé cette saison de rassembler le rap français. Ah! Tu sais, le rap français, tu connais. Hein. Ah oui, dur. Donc je vais te confier pendant toute la semaine, faudra me le rendre hein, quand même. Ouais. C'est le portable que Mac Taylor avait déjà eu la semaine dernière. Donc tiens, tu prends le relais. Ok. C'est le portable. Les gens pouvaient joindre Mac Taylor au 06 71 74 84 15. C'est le même numéro de téléphone. Ça va être le même numéro de téléphone. Tu prends quand même un iPhone 6. Ça commence déjà. Premier iPhone, ça commence. Si tu veux changer de portable en cours de route, tu peux en prendre un tout de suite si tu veux. 06 71. C'est un numéro du bled. Est-ce que tu peux mettre sur haut-parleur comme ça on va entendre 06 71 74 84 15. C'est le numéro pour joindre 24 heures sur 24 Gims. Bon, pas sûr qu'ils répondent 24 sur 24. C'est bon, là. Parce que t'as aussi du boulot. Vas-y, réponds. Allô. Tiens, rapproche ce micro, Fab, s'il te plaît, qu'on entende bien. Hop. Allo, c'est qui? Tu m'entends? Ouais, c'est Kino. Kino? Wesh, Kino. Ouais. Et bah, ça va, qu'est-ce que tu veux nous dire, Kino? Qu'est-ce que tu voulais dire à Gims? Ah. Non, juste féliciter Gims parce que j'attends son album, là, il va être lourd. Ah, il va être lourd, mon frère. Ça arrive le 28 août. Il va être très, très lourd, Kino. Ça arrive le 28, là, et. Obligé. Il va être très lourd. T'es d'où, Kino? Tu viens d'où, là? Tu m'appelles d'où? Je viens d'Evreux 27. J'ai déjà fait des freestyles par téléphone. Eh, hey, il a déjà fait des freestyles, Kino, par téléphone, exact, du côté d'Evreux. Bah, peut-être que tu reviendras freestyler par téléphone aussi, Kino. D'ailleurs, ça n'arrête pas d'appeler, tu vois. C'est le bordel, ce numéro. En tout cas, ça fait plaisir. Merci d'avoir appelé. Eh ben, merci à toi, Kino. On se tient. 28 août. 28 août, ce sera dans les bacs pour en effet, l'album Mon cœur avait raison de Maître Gims. Et le téléphone, 06 71 74 84 15. On écoute un morceau, Gims? Est-ce qu'on se ferait pas maintenant le Est-ce que tu m'aimes, par exemple? Ouais. Pendant que tu peux répondre, hein, pendant le morceau, ne t'inquiète pas. Et on balance le son Est-ce que tu m'aimes tout de suite. Oui. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle? Du mâle et de la femelle. On est. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné. Ça m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe. Et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. sais pas si je t'aime. Je sais pas si je. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. C'est Maître Gims, est-ce que tu m'aimes à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21 pendant que Gims est en train de s'amuser avec le téléphone. Hein. Il y a du FaceTime qui arrive un peu tôt avec ce numéro de téléphone. Ah, la technologie. 06 71 74 84 15 qui ira demain en main de rappeur en rappeur durant toute cette saison. Ouais. Tu le confieras toi à Ice MC la semaine prochaine avant qu'il te revienne dans tes mains dans 15 jours. Lourd le concept. Hein. C'est un beau concept en tout cas. Et pour joindre tout le monde 24 sur 24 et pour rassembler le rap français. En direct de Skyrock. C'est ma contribution pour rassembler durant toute cette saison. Franchement. Bravo, franchement. Merci. Bravo. On fait ce qu'on peut. Tu es celui qui a réuni tout le monde. Ah bah, on fera le point en fin de saison. Ça, on verra. Pour l'instant, ça passe, pas, ça passe plutôt bien avec Mac Taylor hein, qui est signé sur ton label aussi. Ouais. Qui était là, qui nous a fait un super planète rap. Il nous a fait un super planète rap, Mac Taylor. Je le salue d'ailleurs. Un album très très lourd. La semaine dernière, entre 20 et 21. Est-ce que tu m'aimes un petit mot sur celui-ci? Comment il est né ce morceau qu'on retrouve d'ailleurs sur Mon cœur avait raison? Ce morceau, il est né. Pour moi, c'est le morceau le plus étrange, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un des morceaux qui me ressemble le moins dans ce que j'ai pu faire jusque-là. Et j'ai voulu le mettre en avant dès le début, en fait, parce que j'en avais peur en même temps. J'avais peur de la réaction des gens. Mmh. Et j'ai voulu prendre un risque. Brutaliser un peu. C'est quoi pour t'avais peur de quoi sur. Que ça soit trop décalé, quoi. Ah ouais? La façon dont j'ai interprété le son, etc. C'était vraiment très décalé. Pour moi, c'était un risque. Donc, j'ai voulu voir. Je me suis dit, si les gens aiment ce genre de son-là, ils vont vraiment aimer l'album. Ah ouais? Ouais. Pourtant, t'avais fait aussi des choses, même quand regarde quand t'arrivais avec Bella, c'était pas forcément. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as des morceaux comme c'était un risque, Bella. C'était un risque aussi, Bella. C'est un gros risque. Ouais. Ouais, c'est un gros risque et c'est passé. Tu vois? Et là, j'ai voulu. Même Meurtre par strangulation, c'était un risque. Ouais, aussi, ouais. Gueuler comme ça sur tout un son, tu vois? Ça aurait pu être mal interprété ou genre, vas-y, laisse tomber. Et là j'ai voulu refaire la même chose pour Est-ce que tu m'aimes et ça a plutôt bien pris. Je crois que tu nous le feras en live aussi ce soir si je dis pas de bêtises. Ouais, je vais le faire en live. Est-ce que tu m'aimes, ce sera tout à l'heure. Je rappelle aussi que l'émission elle est à suivre sur le skyrock.fm, sur l'application. On va revenir aussi dans quelques minutes avec un des très gros titres hein, qui nous a ambiancé durant tout l'été. On va le balancer juste après la pub. Ouais. Morceau avec Le Fa. Yes. Donc morceau qui s'appelle Longue Vie. Longue Vie. C'est aussi donc le retour de Le Fa hein, qui est arrivé avec Lucas. Son retour. Ouais. Qui avait balancé un morceau là aussi pareil avant l'été. Toujours bon de poser avec Le Fa. Toujours. C'était un plaisir de le retrouver. Toujours un plaisir, bien sûr. Exceptionnel. C'est quelque chose que tu as compris justement, lui qui se met un peu en retrait du groupe à une époque de. Carrément. D'avoir besoin de souffler. Carrément. C'est, moi j'ai toujours compris. Hein, Le Fa, après en plus, il a toujours eu un peu ce caractère-là. C'est un outsider. Et c'est un mec qui, tu vas voir, il n'a pas vraiment d'Instagram, de Facebook. On l'a toujours forcé à en faire un, quoi. Donc lui, c'était sûr qu'au bout d'un moment, il allait se barrer un peu et tu vois et revenir à un moment. Toi, c'est arrivé aussi ces pensées-là de te dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Stop. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bah quand j'ai chanté, je me tire, tu vois, c'était dans des moments comme ça. Ouais, des moments de dire. Après, j'ai eu ce break que j'ai fait, qui n'a pas été un vrai break parce que je continue à tourner. J'ai raté mon départ. En même temps, c'est ça. Je me dis, le break, est-ce que t'en as eu hein, en fait depuis. Est-ce depuis, que j'en ai eu un. Depuis des. Je voulais faire un break genre il a disparu et tout, mais vous avez balancé des sons. Merde. C'est de notre faute, quoi. Non mais c'est un truc qui est pesant parfois où tu te dis voilà j'aimerais bien souffler un an, deux ans, prendre vraiment du recul. Je trouve que c'est important. Si tu envisages en plus une longue carrière, je pense qu'il faut pas trop, tu vois, Il y en a qui pensent qu'il faut matraquer, genre, tu vois, pour pas se faire oublier et tout. Mais c'est pas forcément une bonne idée, hein, je sais pas. je pense que c'est important de s'arrêter un peu. Bon, donc là, tu vas voir ce que ça va donner. Mon cœur avait raison. En plus, là, il y a la tournée. On va voir. Hein. Donc là, toi, t'es parti encore pour un bon petit moment. Gims. On dirait. Allez, on vous attend. Bougez pas dans un instant. Le retour du son, ce sera donc le son de Maître Gims avec le fin, un morceau qui s'appelle Longue Vie. Il arrive après ça. Skyrock reçoit Maître Gims pendant une heure complète ce soir. Planète Rap. Maître Gims. Maître Gims, le fin. C'est le 28 août dans les bacs. Yeah. Ça va bientôt faire. Si dédicace à Abdoulaye. Et t'hésites à ma à Marie. Je me contenterai d'un soupec. Je mets mes lunettes et je souhaite une longue vie. 93. À ceux qui disparaissent dans l'ombre sans nous laisser le temps de leur dire goodbye. Et quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, 75, bah les souris dansent. Il nous manque en face. Pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. J'ai pas retourné ma veste, elle est réversible. Bienvenue dans la confrérie. L'objectif dans la dounia, devenir riche. Comme Vivendi. Action, vérité, je suis le vrai. Game se vérifie quand je refuse de poser. Elle chiale comme Kidney's Everything. Salam au frère, je suis tombé, je dois tout refaire. La thune que je donne aux impôts sert à faire briller la tour Eiffel. Mais vas-y, laisse ça. La coque est blanche, mais rend les gens sales. Je suis venu vous faire douter de vous-même. Comme Aristote et Socrate. Trop loin. Écarte-toi si tu es cardiaque. La voiture s'autodétruira en cas de cardiaque. On me respecte depuis que j'ai pris le contrôle de Paname. Comme si je montais sur scène avec un hologramme de Saddam. Y'a pas le choix, c'était soit les soirées pédotisme. Ou devenu multimillionnaire comme Daola de Disney. Fermé, égaré depuis la maternelle. J'suis borné, de toute façon j'ai tout mon temps comme Burnell. La Burnée, illusoire, dit-il confiant. Alors que pour lui le bien le mal se confondent. S, coupé, biturbo, Paris, Marbella. De 30% appelle là. As-tu donné ton terme? Allez, allez, là. Ah, wa, wa, wa. Ça va bientôt faire 6 ans de règne. Et t'hésites à m'appeler Superman. Je me contenterai d'un superstar. Je remets mes lunettes et je souhaite une longue vie. Oh, longue vie. À ceux qui disparaissent dans l'ombre sans nous laisser le temps de leur dire goodbye. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Pareil que je plexe, c'est rare d'entendre un mec parler de nos jours, merde, je voudrais pas les complexer. Style, attitude, si tu me vois plus, lève la tête, je suis en altitude sur la première page d'iTunes. Dis-moi stop, ralentis, s'il te plaît. Sinon, dis-moi clairement, fallait écris-moi un titre, je te paye. La prod est gang, la viens même pas faire le gosse de chérie. C'est quoi le gosse de ta chérie, mais sur pause ta série, wesh. T'oses dire que c'est serré entre nous, t'es pas sérieux, je suis dans le coup. Toi, tu me démarres pas. Le bruit de la série. Je reviens de vacances, négro, je balance une avalanche, toute la salle au salon. Je présente pas mon chose, un gagnant, gros, je vais faire du sale, j'annonce. Il va pleuvoir des reprises de volée. Le game ne leur a pas volé. Dites aux voisins de s'affoler, de fermer les volets. Je vais foutre la merde comme Follet. C'est téléphoné, la capitale est sans capitaine. Depuis que j'ai millé, voilà ceux qui demandent où est Fall, ils sont des milliers. Le véritable insolent. Négro, leur carrière meurt tôt. J'ai grossi le public comme Brahim à Porto. Quand je vise, j'ai limite. Quand tu kicks, c'est limite. Tu fais quoi là? Tu m'imites? Ah d'accord, t'es mimi. T'es mimi, mais la vérité c'est que t'as plus de jus. Laisse-moi faire, je peux pas perdre, je côtoie plus le jeu. Ça va bientôt faire si le reste de guerre. Et t'hésites à m'appeler Superman. Je me contenterai d'un superstar. Je remets mes lunettes et je souhaite une longue vie. Longue vie. À ceux qui disparaissent dans l'ombre sans nous laisser le temps de leur dire goodbye. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand j'en ai pas là, oh. Bah les souris dansent. Quand j'en ai pas là, bah les souris dansent. Quitte le vestiaire. T'es qu'un début, t'en fais pas le show, reste tiède. Tu veux mon niveau? Espère. Ce que t'entends là, c'est que la partie visible de l'iceberg. Yes, miss my father. Quitte le vestiaire. T'es qu'un début, t'en fais pas le show, reste tiède. Tu veux mon niveau? Espère. Ce que t'entends là, c'est que la partie visible de l'iceberg. Merde. Ah, boum boum tchèque, boum ka boum tchèque. Boum boum tchèque. C'est sur l'album Mon cœur avait raison qui sortira vendredi 28 août. Alors, gros morceau avec le fin, celui-ci. Ouais. Un petit mot justement sur ce retour de Lefa et puis sur le morceau, comment il est né celui-ci, Gims. Ce morceau il est né alors que on était sur un tout autre son au studio. Avec Lefa pareil quand même, c'était une avec combinaison. Lefa, il était là posé. Moi j'enregistrais un son de l'album et à peine l'autre son terminé, enfin il était même pas terminé. Des fois pendant des pauses comme ça au studio, on s'arrête pour boire un thé ou un truc. T'as tellement de musique dans la tête que tu pars des fois sur une petite mélodie comme ça. Mmh. Et je suis parti sur une mélodie en fait. Je suis parti sur une petite mélodie. Ouais, le son n'existait pas. Il n'existait pas le son. Il n'y avait pas. Y avait pas Et là, j'ai dit à Renaud, attends, vas-y, reviens sur ça là-bas. Et là, on part totalement sur un autre son. Il est né comme ça ce son. Et Fall était là. Et il s'est dit, c'est celui-ci qu'il nous faut. Voilà, c'est bon, temps, comme ça ce moment. Tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de risque avec Est-ce que tu m'aimes, je trouve que celui-ci est plus risqué d'ailleurs. Ah, tu trouves? Je trouve qu'il est plus risqué dans les paroles. C'est pourquoi? Parce que c'est quand même un truc très égocentrique. Hein. C'est de l'ego trip. Ouais. C'est de l'ego trip, celui-ci, c'est du pur ego trip. Ouais, pur. Et c'est vrai que quand on arrive à un niveau comme le tien, quand on vend un million d'albums, il y a toujours un peu cette fausse humilité, entre guillemets, qu'il faut toujours avoir. Oui, c'est vrai. Toi, tu t'es posé cette question ou pas? Est-ce que tu t'es dit, je vais assumer ce morceau de A à Z? On a parlé en plus, ce que tu me dis, on me l'a dit aussi. Hein. Mais après, tu vois, je l'aurais chanté vraiment. Tu sais, c'est une chanson, c'est de la pop, machin. Je pense que ça aurait été interprété différemment, mais. C'est du rap, tu vois. On peut comprendre. Et il peut toujours y avoir, et heureusement, on peut comprendre. Ce côté ego trip, quoi. Voilà. On peut se permettre de faire ça dans le rap. Voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est pas sérieux. Le préciser, ce morceau qui s'appelle Longue Vie, qu'on retrouve sur l'album, hein, qui sort vendredi 28 août. Ouais. À pas louper avec le fond. On parlera aussi des invités. Il n'y en a pas non plus 50 hein, sur cet album. Il y a quelques rencontres. Ouais. Des rencontres attendues aussi. On pourra en parler durant la semaine. Et là, je te présente, c'est MLK de Bagneux. Salut MLK. Salut. Ça va bien? Ça va super, à toi? Eh bah écoute, en pleine forme. On est avec Gims toute la semaine qui est de retour. Yes. Yo, bah ouais, l'album, je vais le pécho dès qu'il sort. Ah, ça fait plaisir. Tu as bien noté quand il arrive, ça, ça MLK. Fait plaisir, ça. 28 août. Voilà, vendredi, il sera dans les bacs et on peut déjà précommander. Donc n'hésitez pas. Toi, tu viens rapper, MLK, t'es prêt, session freestyle par téléphone? Exact. Allez, go. Ok. Ok. Ah, c'est a cappella, ok. Yo. MLK. Mba Luther King. Je fais ça à la main. J'ai l'habitude de me donner quatre phases des chauves, parce que l'habitude de voir que des gars se cassent les côtes. Dès les quatre premières phases, man, c'est chaud. Dès les quatre premières phases, vlac, ça cause. En effet, tes gars stagnent trop. Man, détrompe-toi, je ne jactable, je pose. Dans Paris, je suis ce petit pack-pack qui vend tout un tas de phases cachées dans son cartable mauve. Yo, pas de blague, je dose. Dans 10 ans encore, tu me verras squat la chauffe. Je gratte et je taffe et puis les man croient que je mens. Mais je n'arrêterai pas le rap après 3 stades de France, moi. J'espère devenir un expert. J'assombris la caisse claire en un claquement de phase. Laisse frère, je sais ce que t'espères, mais je sais que tu perds même si tu claques 30 phases. Dans le rap, moi j'ai grave donné. Ouais, dans tous les cas, je devrais charbonner. Mais j'ai jamais voulu taf et je voulais le bac, finir dans les bacs. Et là, je suis grave paumé. Merde, grave paumé comme ce petit homme calme qui se cale dans la fosse aux alcools. Les polygames rejettent la faute aux femmes comme si le fait que la rue se batte était faute à Cam. Comme frère, comme Jack numéro 1, comme Jackson Mike, je veux le million d'albums. Comme Dark Vador All Black, comme Don Juan, on est calé entouré de sales connes. Parce qu'on pourrait se croire en étant le soir, on est hall, les fans et les femmes posés dans le noir, on se calme, on est dans les times en étant décalé, on se calme en écoutant l'album. Peace. Wouh, sale. Franchement, hey, ah, lourd, fort, hein. Très fort. La semaine commence fort. Ah, c'est un mec, c'est un technicien. Ah, c'est un technicien. Ça t'a rappelé des trucs ou pas, Games? Ça t'a rappelé des trucs ou pas? Clairement. Là, taper sur la table. Taper sur la table, rappeler. Non, ça, j'y arrive pas, ça. C'est fort, ça. Merci, mec. Où est-ce qu'on peut t'écouter? Vas-y, balance toutes les adresses, MLK. Vas-y, MLK d'ailleurs. Sur Twitter, c'est lulu-du8 alias MLK. Sur FB, c'est juste MLK. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube aussi. Mm-hmm. D'ailleurs, j'avais mis une vidéo de mes passages, parce que j'étais déjà passé en freestyle par téléphone pour Wachibé et une autre fois pour Nekfeu. Mm-hmm. Je me souviens. Du coup, vous cherchez MLK Freestyle Wachibé Nekfeu sur YouTube et vous trouvez la vidéo, ma chaîne, etc. Eh bah écoute, okay. Bon courage à toi, puis on t'attend cette saison, tu reviens quand tu veux. Ok, bah merci. Petit dédicace, merci à toi, petit bonjour. Message à passer. Hein? Petit message à passer, petite dédicace. Ouais, dédicace à Zeki, Thibaut qui m'écoute, Osama, dédicace à mon cousin Niaoré, à Lulu, à tous ceux qui m'écoutent, parce que bon, j'ai passé le message à la dernière minute et à ma famille qui est à côté aussi. Eh bah très bien, merci à toi MLK. Merci à vous. Passe une très bonne soirée, tu reviens quand tu veux dans Planète Rap entre 20 et 21. Freestyle par téléphone, on va écouter un extrait de Mon cœur avait raison. Ça aussi, c'est un des morceaux qui est arrivé, qui a fait partie des premiers arrivés, c'est le Laisser passer. Ouais. Gims. Ouais. Tu veux dire un mot sur Laissez Passer ? Laissez Passer, c'est un son que j'avais depuis quelques temps déjà. Donc celui-ci, tu l'avais ? Celui-là, je l'avais, j'avais la mélodie. T'avais la mélodie ? J'avais la mélodie et j'avais jamais osé vraiment faire un son, machin. Et en fait, la mélodie, je la chantais souvent et les gens appréciaient en fait. Il n'y avait pas de parole, tu vois. Et j'ai décidé d'en faire une chanson, tout simplement. Voilà comment il est né ce Et ça, il a bien tourné aussi cet été. Il a bien tourné. Il a bien tourné. Allez, Laissez Passer, c'est sur l'album qui sort vendredi. Gims. Monsieur Juna, je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prof, tu ne connais pas l'avenir. Il se peut que tes propres gosses écoutent ma zik et que le 458 soit dans le parking. Monsieur Juna, les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, je ne possède que des tubes. Il se peut que vous m'ayez flashé dans la ville. Vous qui vouliez une photo pour votre fille. Donc vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Ouais, vas-y, cause toujours en son tabou, tabou, tabou. Cause toujours en son tabou. C'est la musique. Allez dire ça à ceux qui sont bien sur la piste. Le DJ s'apprête à jouer le plus gros hit. Le Doliprane viendra te tenir compagnie. Monsieur Juna, cette année tu dois voter, ouais. Me demandez pas de vous aider à nous voler, ouais. Les impôts ne servent qu'à payer vos bolides. Vos discours sont des mensonges qu'on enjolive, ouais. Donc vas-y, cause toujours en son temps. Maître Gims avec nous, yeah. Et l'album Mon cœur avait raison pendant que les téléphones sonnent dans tous les sens. Celui qu'on t'a filé, je crois que c'est... Il sonne là, hein. Bah, il s'arrête pas, mais je crois qu'il a même bugué un moment. Ouais, il a bugué. Donc ça, c'est le numéro que tu vas avoir pendant une semaine pour joindre Gims. C'est 06 71 74 84 15. Par SMS aussi, n'hésitez pas à balancer plein de messages. Tiens, demain on fera un blind test aussi avec toi, avec des auditeurs de Skyrock. Pour s'inscrire pour le blind test, envoyez votre numéro de téléphone à l'adresse mail planetrap@skyrock.com, planetrap@skyrock.com. Et si tu es prêt maintenant, Gims, ouais, nous allons passer au live. C'est parti. C'est quoi, c'est un des morceaux de l'album, c'est le morceau qu'on a mis tout à l'heure. Est-ce que tu m'aimes, ouais. Et bah, coup d'envoi, on y va. C'est parti. What I know, what I know, what I we, what I know. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. J'avais juste à lever le cil, j'étais prêt à graver ton image à l'entrenant sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis le bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes palivernes. Et je subis tes palivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Je sais pas si je t'aime. Je voudrais live. Live. Je sais pas si je t'aime. Non, du King Z. Je me suis fait mal en me volant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. À l'instant en live, on peut faire du bruit pour Gims à l'instant. Est-ce que tu m'aimes? C'est extrait de Mon cœur avait raison, l'album qui sort vendredi dans les bacs, double album pour Maître Gims. Yes. Et vous retrouverez d'ailleurs ce morceau avant de te laisser aussi partir en tournée à partir du mois de novembre un peu partout. Un peu partout, ouais. Tu l'as en tête, ça y est, la tournée, tu sais un peu où... Franchement, il y a beaucoup de dates. Je sais qu'on commence le 12 novembre avec Nantes. Je crois que c'est Orléans. Non, je parlais pas des dates, en fait, je te demandais si toi tu savais déjà ce que tu vas proposer aux gens. Ce que je vais proposer, bah, ce qu'on propose, c'est déjà les titres que les gens veulent. Mmh. Ce qui a vraiment marché, ce qui rappelle des souvenirs, des classiques, voilà. Alors en fait, tu vas pouvoir t'asseoir même carrément en faisant les scènes et regarder les gens chanter, je pense. Ouais, non, bah, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre tout le monde chanter. Des fois, on a envie de se poser et d'écouter les gens chanter. Mais bon, les gens veulent entendre l'artiste. Et bah, c'est au mois de novembre, on tournait en novembre, décembre et puis d'autres dates aussi. Yes. On vous les fêlera cette semaine pour retrouver Gims. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, il y a le retour de D-Fool en direct, toute l'équipe est venue même pour toi d'ailleurs, ils sont de retour. Ah ouais, carrément. Après leurs vacances, on vivra ça là dans quelques minutes. Le retour de D-Fool. Mais juste avant, on met le morceau qui arrive aujourd'hui, le titre Brisé, ça c'est Brisé, un extrait. Ouais. Brisé, ça c'est voilà, c'est le premier son que j'ai fait. Tout premier son. Le tout premier son de Mon cœur avait raison. Qu'il est au début et je pense qu'il représente beaucoup. Il représente très bien l'album en plus de ça. Et c'est le premier son que j'ai fait vraiment. C'est le premier son. Il a tenu toute la route. Souvent les premiers sons ils sautent. Ouais, ils sautent. Il y a plein de sons qui ont sauté, tu vois. Ouais, t'en as fait beaucoup d'ailleurs, Yannick. Ouais, j'en ai beaucoup d'autres sons qui n'ont pas été sélectionnés. Celui-là, c'est le premier, il a tenu. Il a et tenu. C'est ça qui m'a. C'est le premier son que je voulais envoyer depuis le début. J'ai même fait écouter à Laurent Bounot tout au début et. Je voulais vraiment partir sur celui-là avant, est-ce que tu m'aimes, avant tout ça. C'était brisé. C'était brisé pour moi. Bah tiens, vos réactions, vous les balancez avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Dis-nous ce que vous pensez de ce morceau qui est arrivé aujourd'hui et qui figure dans l'album évidemment. Mon cœur avait raison, album vendredi dans les bacs. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné. J'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Vois-tu comment le diable est habile. La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi. T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé. Mon cœur avait raison, c'est l'album qui sortira vendredi. Et Maître Gims, il est tous les soirs de la semaine dans Planète Rap en direct entre 20h et 21h. Entre 20h et 21h. Avec ce morceau qui s'appelle Brisé qu'on écoutait. Brisé, ouais, qui vient d'arriver, qui vient de sortir. Il n'y en aura pas d'autres d'ici vendredi. On va faire découvrir d'autres sons. Ah bah nous ici, ouais. Mais il n'y aura pas d'autres sorties qui vont être comme ça balancées. Brisé était le dernier extrait avant la sortie. Brisé, c'est l'extrait qu'on a balancé sur iTunes. Vraiment, c'est l'extrait officiel. Mais on va faire découvrir d'autres sons. Ah bah j'espère bien, ouais, si, cette semaine. Bien sûr. Alors, il y a 26 faire... sons. Hein, en même temps, il y a du matos. Il y a 26 sons. Il y a 26 sons et il y aura même deux semaines pour Gims, puisqu'il y a cette semaine et dans 15 jours. Ouais. Tu reviendras aussi entre 20 et 21 dans Planète Rap. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock offre le jeu Until Dawn jusqu'à l'aube, plus la PlayStation 4 qui va avec. Mohamed, très en forme de Montreux. Comment ça va, Mohamed? Ça va tranquillement, et vous? Eh bah écoute, en pleine forme, on a Gims et ça fait plaisir. Ouais, avec l'album qui sort vendredi. Merci. Tu as bien retenu, Mohamed, sorti vendredi, mon cœur avait raison. Pas de soucis, c'est bien retenu. Bon, ça fait plaisir. Tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? On est prêt. Allez, juste avant le retour en direct, la radio libre de Difool avec toute l'équipe là dans un instant. Ah bah y a du monde, c'est en famille, on est que Planète Rap en famille, c'est bien. On est que deux. Ah ouais, mais c'est bien. Mohamed. Ouais. Pour toi, il y a cette semaine les places de ciné, non pas une ni deux, mais quatre places pour aller voir Hitman, le film qui sort mercredi, l'Agent 47, et le jeu Until Dawn qui sort aussi mercredi. Donc en exclu, on t'envoie tout ça du côté de Montreux. Ah, vous déchirez. Et bah de rien, je te souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi, à tous les deux, bonne soirée. Et bah merci à bonne toi, soirée, Mohamed. Merci. Ciao, ciao. Pour joindre Gims, dès maintenant 06 71 74 84 15. Ça numéro de téléphone, ça n'arrête pas de sonner, Gims. Les gens veulent te joindre. C'est le, c'est, comme j'ai vu un message arriver, c'est le Peace Phone. Le Peace Phone dans le rap français Peace, évidemment paix. Hein. Cette semaine, un numéro de téléphone qu'on confie d'artiste en artiste durant toute la saison de Planète Rap, c'est qui? Ah, t'as pas mis le haut-parleur, on va pas entendre. Allô, allô? Oui, allô? Oui, c'est qui? Je voulais poser une question. Ah bah on t'écoute, oui. Vas-y, vas-y. En fait, je voulais savoir si tu vas divulguer des éléments pendant ta future tournée, genre qui c'est qui va faire ta première partie, les surprises qu'il va y avoir pendant le concert. Ah, une question technique. Question technique. Ouais, question technique. Donc qu'est-ce que tu veux dire ça cette semaine? Oui, bien sûr, on va donner plus d'informations. Très bien. La tournée, on va même balancer des petits teasers et tout. C'est une grosse tournée avec des surprises, du spectacle, quoi. Et bah à partir du mois de novembre. Ouais, vu que c'est en novembre, il y a encore un peu de temps, là on prépare tout ça quoi. Mais voilà. Et bah merci mademoiselle, merci en tout cas pour le dernier coup de fil. 06 71 74 84 15, voilà. Numéro de téléphone. Merci Gims pour cette première soirée. Merci à vous, merci à tous. Merci à toute l'équipe. Et je le disais, le retour, ça y est, ils sont là, ils sont beaux, ils sont bronzés. Tu les as vus passer ou pas Gims? Tu as pas vu? Ah non, je les ai pas vus passer. Tu as pas vu ce teint magnifique de Difool et de toute l'équipe? J'ai pas vu ça. Ils sont où? Ah bah, allô? Allô, allô? Ah bah voilà, Romano. Surprise. C'était la première blague de l'année. C'est ça, vous. C'est la première blague, ça va? Ah, on va rigoler cette année, ça je Là, ça, la barre est haute. Ça va, Gims? Ça va, et vous? Ça va. Alors, ça y est, c'est parti. Pilule bleue, pilule rouge. C'est parti. T'as vu, il y a plein de monde qui t'attend en bas. On a mis une photo là en arrivant avec la mariée et Karim à la radio. Ouais, qui t'attendent sous la pluie, c'est sympa. Ils ont du courage, ils t'attendent 16 degrés sous la pluie. Ouais, c'est ça. Bienvenue, bonne rentrée. Vive le mois d'août. Eh ben, quel accueil, en tout cas, ça fait plaisir. Eh ben oui, ça fait plaisir. Et ça nous fait plaisir de te retrouver tous les soirs, 20h-21h. C'est le nouvel album à découvrir, il sort vendredi. Ouais. Et c'est avec Fred. Il est bien, Fred, ça va? Il est terrible. Terrible. Ah non, mais je demandais à Gims si Fred était bien en ce début d'année. Ah, moi? Ouais. Fred, il est très bien. Bah, oui. Est-ce que tu l'as retrouvé aussi bien que l'année dernière? Ouais, pas. Même mieux. Fred, il bouge pas de toute façon. Mieux. On dirait un androïde. Un androïde. C'est pas mal ça. On dirait que c'est un produit, tu sais, c'est un prototype. Il n'existe pas dans la rue. Ouais, tu peux pas le croiser dans la rue en plus. Non, c'est vrai. Même en bas, on dirait que tu peux pas le voir en bas. Impossible. Des programmes, dès qu'il arrive en bas, il disparaît. Là, je vais bientôt m'appuyer sur le bouton et il m'auto-détruire. Programmes de jusqu'à demain matin, Fred. Jusqu'à demain matin. Et demain matin, t'es de retour. Et 20h-21h toute la semaine, à pas louper. C'est l'album de Gims qui va sortir, la tournée de Gims. Vous en avez parlé, vous en reparlerez demain. Et puis, on se fera le briser, un extrait de l'album qu'on a découvert ce matin. Aujourd'hui, Skyrock. Chez toi, Fred, en plus. Il est arrivé ce matin, exact. Et oui, il faut écouter Skyrock tout le temps, il y a des nouveautés tout le temps. À n'importe quel moment. Voilà, et notamment des extraits du double de Gims. Ouais. Yes. Bleu et rouge. Bleu et rouge. Et demain, dans Planète Rap, à partir de 20h. Et ce soir, on se refera briser pour ceux qui l'auraient loupé. On l'a passé il y a quoi? Il y a 2 minutes, là, non? Là, à l'instant, ouais. Bon, bah, non, on se le refera avant minuit. Briser Gims sur Skyrock. Merci maître merci Gims. Merci à vous, merci à tous. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver, en tout cas. Bah, nous aussi, Fred. Je vais venir vous voir un petit peu qui a bronzé. Ah oui, on va faire le concours du bronzage. Qui est devenu rouge. Le concours du bronzage. Ou le plus beau gosse ou la plus belle gosse de l'équipe pour cette rentrée. On va faire ça là. Non, mais ça, les yeux fermés, c'est toi, Difool. Merci, Fredo. Oh, le suceur. Ah ouais, c'est gentil. Oh, le suceur de base. T'as vu Romano, Fred, il est toujours aussi bien que l'année dernière. Un gros suceur. Je crois que c'est le meilleur animateur de Skyrock. Oui. C'est celui qui a la plus grande vision. Il m'avait dit pour toi, Gims. Merci, Difool. Il bon, suce comme bon il aussi. Est mort. Tout va bien. C'est la pseudo, la grosse suceuse. Ah ouais, je crois que c'était Cédric, mais bon, écoute. Ouais, bon, on se partage le titre. Non, ça va. Bon, bah, toute l'équipe est là, ça fait plaisir de vous retrouver. La radio libre de l'été, pour la dernière semaine de l'été, même si dans certains endroits, ça se voit pas dehors. Non. Radio libre de l'été, on va parler de ce que vous avez fait pendant les vacances. On va lire le galérien ou la galérienne de l'été. Si vous avez eu des galères, vous pouvez nous appeler, nous raconter tout ça. Si vous n'avez pas bougé, vous pouvez nous appeler aussi. Et puis c'est parti au 01 53 40 30 20 en direct sur Skyrock à 20h54. On revient tout de suite. de suite. On va démarrer avec un des sons qu'on a découvert cet été aussi, c'est Soprano. Ça s'appelle Millionnaire. Très bien. Et ben, je pense que c'est une bonne idée, Romano. Millionnaire, ça devrait te plaire. Oui, oui, très bien. Parce que c'est ton son de l'été préféré. Il est passé depuis le début de l'été. Oh là. Parce que moi j'étais à l'étranger donc Bah oui, forcément. Oh là. Ah, tu l'as pas entendu le Soprano? Non mais si, je l'ai entendu après quand je suis rentré en France. Mais je suis rentré il y a pas longtemps. Il y a deux heures. Non mais à Paris, oui, il y a deux heures. Non même pas, même je suis arrivé à 20h05. Ah, on suce les vacances jusqu'au bout. Ah, c'est clair. Bon, Radio Libre de l'été, c'est reparti dans un instant sur Skyrock. On vous attend en direct, comme je vous le disais. À tout de suite et à demain pour Planète Rap, 20h, juste avant 20h. Planète Rap, il y a être Gims cette semaine en exclusion sur Sky. Ciao. Ciao. Skyrock offre le jeu Until Dawn plus la PlayStation 4 qui va avec.